être alcoolique, ou avoir des antécédents psychiques ou trisomiques. Pour être capable d'entourer une bouteille de gaz, et ce n'est que ça tout péter comme on dit à l'icade. Il y en a qui disent qu'à la tête, il n'y a que des ordures. Pendant le tapas, on a sacré les yeux, tout près des murs. Les autres sont légèrement abîmés sur nos billets. C'est la faute au gouvernement qui nous a unifiés. C'est nous, on est la CGT. Changer, il n'y a pas que Macron qu'il faut virer, c'est tout le système.